Inna Est-ce que tu... Oui. Ton contraste, est-ce que tu peux essayer de voir ce que tu peux faire? On a un peu d'ombre. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaq al hadith kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc inchallah on continue bifadli Allah tabarak wa ta'ala ce chapitre qui s'intitule le chapitre des prières surérogatoires. Nous avions parlé la semaine dernière de la prière des éclipses et on avait aussi traité de la prière du witr. Aujourd'hui, on va parler, inshallah, de la prière de l'istisqa, c'est-à-dire la prière qui est liée à l'invocation d'Allah pour qu'il fasse descendre la pluie. Non, attention, on ne dit pas invoquer la pluie, on dit invoquer Allah pour qu'il fasse descendre la pluie. يقول الإمام رحمه الله تبارك وتعالى وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. Il dit la prière de l'istisqa, c'est comme ça qu'on l'appelle en arabe, c'est-à-dire lorsqu'on demande la descente de la pluie, c'est une sunna dès lors que les gens sont dans le besoin du fait qu'il n'y a plus d'eau ou qu'il manque d'eau. Donc on voit bien ici, d'après la parole du shir, que cette prière ou cette doa, parce qu'on va voir que c'est pas forcément lié à la prière, mais d'une manière générale on fait une prière de dorakat. Quoi qu'il arrive, la demande de l'istisqa, la demande d'eau ou de pluie, elle est liée à une situation particulière. Dès lors que cette situation n'existe pas, alors cette prière ou cette doa n'est pas légiférée. Dès lors que cette situation est présente, alors cette doa, ce doa et cette prière sont légiférées. Donc Saadi ici il nous dit que dès lors que les gens sont en manque d'eau, il y a une sécheresse par exemple, ou alors les terres deviennent tarides, il n'a pas plu pendant des jours et des jours et des jours, voire des mois, alors il est légiféré, bal c'est une sunna mu'akkada de demander la pluie et accessoirement de prier de rak'at comme on va le voir inchallah tabarak wa ta'ala. Cheikh Saadi dit juste après wa tuf'alu ka salatil 'id fi as-sahra, c'est-à-dire que cette prière elle est faite comme la prière du l'Id. Non? Et en plus de ça, dans le désert, Fis-Sahara, c'est-à-dire en dehors de la mosquée. Lorsqu'on dit dans le désert, c'est-à-dire dans un espace assez grand et large, afin que tout le monde puisse y participer. وَيَخْرُجُ إِلَيْهَا مُتَخَشِّعًا مُتَدَلِّلًا مُتَدَرِّعًا فَيُسَلِّي رَكْعَتَيْنِ. Puis il sort, c'est-à-dire l'imam et les personnes qui vont prier avec lui sortent vers cet endroit-là, mutakhashi'an, c'est-à-dire avec humilité, mutadallilan, avec un rabaissement de sa personne devant le maître et devant celui qui va faire descendre la pluie, c'est-à-dire Allah tabarak wa ta'ala, mutadarri'an, en déférence et en révérence devant Allah tabarak wa ta'ala. Puis il priera deux unités de prière. Alors pour comprendre d'une manière générale le principe de salat al-istisqa, il faut savoir qu'en France on n'est pas trop concerné par ça puisque en général il pleut assez souvent, on n'a jamais des mois entiers de sécheresse. Quoi qu'il en soit, cette prière de l'istisqa, quand bien même on serait en France et qu'on serait dans cette situation, elle serait légiférée. Alors salat al-istisqa, qu'est-ce que l'istisqa? Les savants disent que l'istisqa, c'est le fait de demander talabus soqiya. C'est le fait de demander l'eau ou la pluie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on la demande pas d'un wali, c'est-à-dire d'un saint qui est dans la tombe. On la demande pas non plus d'une statue. On la demande pas non plus d'un événement qui nous forcerait à croire que la pluie descendra à cause de celui-ci. On la demande d'Allah directement. C'est le tawhid ni plus ni moins. Et On demande qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse descendre la pluie, mais on lui demande d'une manière précise, pas n'importe comment, comme on va le voir. Alors je dis que c'était une sunna, car l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à plusieurs reprises. Contrairement à Salat al-Khusuf, c'est-à-dire la prière des éclipses. Nous avions vu que le prophète ne l'a prié qu'une seule fois, sallallahu alayhi wa sallam. C'était lors, le même jour que lorsque son fils est mort, Ibrahim, rahmallah tabarak wa ta'ala, radiallahu anhu. Alors, le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, l'a prié plusieurs fois et il a varié dans la manière de le faire, comme on va le voir. Comment doit être la prière de l'istisqa? Premièrement, elle se fait par deux unités de prière, rak'atay. Et elle se fait exactement comme la prière de l'Eid. C'est-à-dire que on va faire 7 takbir dans la première rak'at et 6 takbir dans la deuxième rak'at. Quand je dis 7 takbir, je fais takbiratul ihram. Si les frères qui sont au four là-bas, parce que je les vois, ils peuvent arrêter de parler, barakallahu fikoum. Et vous écoutez le cours. Jazakumullah khair jazak. Donc, on fait 7 takbir. On fait le takbiratul ihram, puis on en rajoute 6 dans la foulée. Ensuite, on prie cette unité de prière de manière normale. Et dans la deuxième rak'at, on fera le takbir lorsqu'on se relève, et on en rajoutera 5 dans la foulée. D'accord? Donc, dans la première rak'at, on a 6 plus 1, ou 1 plus 6, et dans la deuxième rak'at, on a 1 plus 5. Qu'est-ce qu'on lit durant cette prière? On lit exactement la même chose qu'on lira dans Salat al-Eid. Dans la première rak'at, on lira par exemple, Sabbihisma Rabbika al-A'la. Et dans la deuxième rak'at, on lira, Hal ataka hadithul ghashiyah. Non, la sourate 87 et la sourate 88. Non. Tous les savants, la grande majorité des savants, s'accordent à dire que cette prière de deux rak'at est une sunna mu'akkada qui est liée à la dua qu'on va voir, inch'Allah. Sauf l'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa ne considère pas qu'il y ait une prière à faire. Il dit seulement que la personne, si elle veut sortir dans la musalla, elle sort, elle fait juste les dua seulement. Elle invoque Allah tabaraka wa ta'ala sans faire de prière. Or, ce qui est prouvé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a bien une prière qui est liée à la dua, à la demande en elle-même. Alors, quelles sont maintenant les sunan qu'il faut respecter durant cette prière de l'istisqa? Premièrement, lorsque l'imam décide de sortir dans un endroit dégagé, afin que les gens puissent prier, ce qu'on appelle le musalla, les gens doivent sortir avec lui. Mais ils doivent sortir en ayant un comportement marqué par l'humilité. Pour quelle raison? Car ils sont dans un état de faiblesse et ils vont s'apprêter à demander à Allah tabaraka wa ta'ala la délivrance et la dissipation de leurs soucis. Donc ils doivent être dans un état de déférence, dans un état d'humilité absolue. Même dans leurs vêtements, ils ne doivent pas se parer de leurs meilleurs vêtements. Ils prennent des vêtements qui sont sobres, qui ne marquent pas la richesse ou la rafahiyah, c'est-à-dire le luxe ou la richesse. Et ça, c'est tiré du athar de Abdullah ibn Abbas, qui a dit « Kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mutabaddilan, mutawadi'an, mutadawri'a. » Il a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti mutabaddilan. » Mutabaddilan, c'est justement le fait d'avoir des vêtements, et je ne vais pas dire des vêtements sales ou usés, mais des vêtements qui ne montrent pas de l'opulence et de la richesse. Donc il faut rester humble, même dans sa tenue. Mutawadi'an, rempli d'humidité, rabaissé devant Allah tabaraka wa ta'ala, mutadabri'an, en pleine soumission à lui. Hatta atal musalla, jusqu'à ce qu'il arriva dans l'endroit, le musalla. Faraqal minbara, il monta sur le minbar, posé à cet effet. Falam yakhtub bi khutbatikum hadihi. Puis il a dit à Abdullah ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait une khutba, un prêche, comme vous avez l'habitude de l'entendre dans Jumu'ah. Car dans Jumu'ah, comme vous le savez, il y a deux prêches. Car l'imam se lève une première fois, puis il s'assoit, puis il se lève une deuxième fois. Donc il y a deux khutbah au final. Alors qu'ici, dans Salat al-Istisqa, il n'y en a qu'une seule. Ceci veut dire que l'imam ne va pas s'asseoir à un moment donné comme il le ferait dans Salat al-Jumu'ah, ou dans la khutbah al-Jumu'ah. Donc Abdullah ibn Abbas dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va tenir un prêche qui n'est pas comparable à celui qu'il fait dans le Jumu'ah. Puis il ne cesse d'invoquer. Écoutez bien. Puis il ne cesse d'invoquer, de s'humilier et de louer et de proclamer la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il priera deux unités de prière comme il prie la prière de l'Aïd. Comme je vous l'ai expliqué. Donc ici on a beaucoup d'enseignements. Ça, ce athar, c'est un athar qui a été rendu beau par Cheikh Al-Albani, rahmallahu tabaraka wa ta'ala. Il contient beaucoup d'enseignements car il nous montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette prière de l'istisqa et qu'est-ce qu'il faisait en amont de cette prière, cette fameuse prêche ou ce fameux prêche de la demande de la pluie. Regardez comment le prophète était sallallahu alayhi wa sallam. Il était humble. Il baissait la tête en allant vers cette prière, en allant vers ce prêche. Là. Puis lorsqu'il demandait à Allah, il implorait Allah longuement. Longuement. De telle sorte, et comme on va le voir, Inch'Allah, que le prophète levait ses bras tellement haut qu'on voyait la blancheur de ses aisselles. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis il proclamait la grandeur d'Allah en disant Allahu Akbaru Kabira. Allahu Akbaru Kabira. Puis il multipliait l'istighfar, l'imploration du pardon. Non, tout ceci, c'est ce qu'il faut faire dans cette situation. Non. La question qui se pose ici, est-ce que ce prêche, il est obligatoire? Le prêche, il n'est pas obligatoire, comme on va le voir, Inch'Allah. Car il a été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé la pluie sans faire de prière. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juste fait des invocations de demande de la pluie sans faire le prêche. Tout ceci est légiféré. Mais la meilleure forme, la meilleure manière de faire la demande de la pluie auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la façon qui a été décrite par le athar de Abdullah ibn Abbas. C'est-à-dire sortir dans la musalla, puis demander à Allah tabaraka wa ta'ala longuement, en faisant des invocations, en demandant le pardon, en se repentant vers Allah tabaraka wa ta'ala, puis par la suite faire deux unités de prière, comme vous prierez la prière de l'Aïd. D'ailleurs, les savants ici ont divergé entre eux. Est-ce que cette prière, ces deux unités de prière sont avant le prêche, ou alors elles sont après le prêche? Sur ceci, il y a une largesse, barakallahu fikoum. Comme le dit Cheikh Abdelaziz ibn Baz, le prophète a tantôt fait ceci, tantôt fait cela. Tantôt il priait avant le prêche, tantôt il priait après le prêche. Donc il n'y a pas de mal à faire ceci ou cela. Non. Donc je vous passe la divergence des savants, car au final on peut faire l'une des deux façons. Non. Parmi les choses aussi qui sont légiférées, c'est que l'imam doit invoquer beaucoup, comme je vous l'ai dit. Et lorsqu'il est debout, il se retourne face à la qibla. C'est-à-dire qu'au début, il se tient devant les gens, comme se tiendrait l'imam devant les gens durant le Jumu'ah. Puis, lorsqu'il va commencer à faire les do'as et insister dans les do'as, il va se retourner et il fera face à la qibla en laissant les gens derrière lui. Et à ce moment-là, il lève les mains au ciel, donc je ne sais pas si vous voyez, il lève les mains au ciel en tournant les paumes de ses mains vers le bas. De cette façon. Je ne sais pas si vous arrivez à me voir. Comme ça. En levant les mains vers le ciel et en mettant les paumes de ses mains vers le bas. Et à ce moment-là, il fait des do'as avec conviction. Avec conviction, en demandant la pluie immédiatement. La yastabti ul ijaba, c'est-à-dire qu'il ne va pas dire, Ya Allah, donne-nous la pluie demain ou après-demain ou après-après-demain ou dans 3 jours. Il demande la pluie dans l'immédiat. Et Allah aime ceci. Tabaraka wa ta'ala. Que la personne, lorsqu'elle l'invoque, elle ne dit pas, oh Allah, si tu veux, donne-moi ceci. Oh Allah, si tu veux, donne-moi cela. Mais il demande avec insistance. Il dit, Ya Allah, anzil alayna ma'an min as-sama. Allahumma aghithna. Allahumma asqina. Il demande avec fermeté et conviction. Et Allah aime cette manière de faire, tabaraka wa ta'ala, comme ceci est rapporté dans un hadith du prophète. Donc, il se tourne vers la Qibla, il lève les mains, ça c'est pour l'imam. Et il met ses mains, avec le dessus de ses mains vers le ciel, et les paumes de ses mains vers le sol. Là. Les gens qui sont derrière lui, à ce moment-là aussi, ils peuvent faire comme ça, ou alors ils peuvent faire comme ça aussi, et eux aussi, ils font des doigts en eux-mêmes. Car ici, lorsque l'imam fait les doigts, il ne fait pas des doigts pour tout le monde. Il fait des doigts pour lui et les gens derrière font des doigts aussi pour eux. Chacun fait des doigts. Vous avez compris? Ce n'est pas comme dans le Jumu'ah, par exemple, où l'imam fait des doigts et les gens disent Amin. Ici, chacun fait des doigts et chacun lève ses mains au ciel. Aussi, il est sunna, à ce moment-là, au moment où l'imam commence à se tourner, que il prenne son vêtement et il le change de côté. Si par exemple il a un vêtement qu'on appelle Rida. Rida c'est un vêtement comme par exemple El Hadjou, celui qui part au pèlerinage, il met un vêtement sur le dessus comme ça. Espèce de grand vêtement. On appelle ça Rida. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Au moment où il va se tourner vers la Qibla pour invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala, il va prendre le vêtement de droite, il va le passer à gauche et vice versa. Il le retourne. Non? Et si une personne a là, par exemple, un panis ou un manteau, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il le change de côté ou alors il le retourne carrément, il l'habille à l'envers. Il le met à l'envers, il s'en vêtit. Pourquoi cette situation? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ceci? Pourquoi il mettait ses mains comme ça au lieu de les mettre comme ça? Alors que la norme c'est de les mettre comme ça, paume des mains vers le ciel. Mais le prophète faisait comme ceci. De même, le prophète a retourné son vêtement. Alors que la norme, c'est qu'il le porte d'une manière normale. Tout ceci, comme l'ont expliqué les savants, et là, je vous rapporte la parole de l'imam al-Nawawi, qui dit, les savants disent que toute invocation faite pour lever une épreuve ou une catastrophe, ou pour s'en prémunir, doit se faire en opposant le ciel au-dessus de ses mains. C'est-à-dire, en mettant le dessus de ses mains face au ciel. Ça, c'est lorsqu'on invoque Allah pour repousser un mal ou alors pour se prémunir d'un mal. Et dès lors qu'on demande à Allah quelque chose, un bien par exemple, ou qu'on désire acquérir quelque chose, alors dans ce cas-là, on lève les paumes des mains vers le ciel. Ceci explique aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retournait son vêtement afin d'espérer un changement de situation ou une inversion de la situation. C'est ce qu'on appelle en arabe tafa'ul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mutafa'il. Tafa'ul c'est le fait d'être optimiste. Qu'est-ce qu'est être optimiste? C'est par exemple lorsque les gens étaient dans une situation de difficulté, de sécheresse, d'aridité, où les bestiaux n'avaient plus à manger, où les routes commerciales étaient devenues impraticables. Pourquoi? Car les bêtes n'avaient plus la force de parcourir de longues distances pour aller chercher des vivres ou pour commercer. Donc, c'était une situation difficile. Pour que la situation change et s'inverse, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait ou inversait son vêtement pour espérer un changement de cette situation. De même, il retournait ses mains comme pour demander à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il retourne la situation dans laquelle ils étaient en mieux. Vous avez compris? Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe tafa'ul. On retrouve aussi cette notion de tafa'ul lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait des personnes qui s'appelaient par des noms qui avaient des connotations négatives. Par exemple, il y avait une femme qui s'appelait Harb. Harb en arabe ça veut dire guerre, avec tout ce que ça comporte comme mauvaise chose. Alors le prophète lui a changé son nom et l'a appelé Salma. Salma qui était un dérivé de Salam, qui veut dire la paix. Donc vous voyez que même dans la dénomination, même dans les noms, le prophète sallallahu alayhi wa sallam changeait les noms afin que la personne s'en imprègne et qu'elle en tire du bien. C'est ce qu'on appelle le tafa'ul en arabe. Et le prophète était comme ceci, sallallahu alayhi wa sallam. Il a même été rapporté que le prophète, lorsqu'il passait dans des contrées, dans des régions, et que le nom de cette région avait une connotation qui était négative, le prophète changeait ce nom en un nom qui avait une connotation positive. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est ce qu'on a aussi, lorsqu'on demande la pluie, de retourner son vêtement, non, afin, inshallah, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala retourne la situation difficile dans laquelle est la personne. Ceci est corroboré par le hadith de Abdullah ibn Zayd, rapporté par l'imam Ahmed et autres, et l'imam al-Bukhari aussi, où il a dit kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yastasqi فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيها بالقراءة. C'est-à-dire, le prophète est sorti sallallahu alayhi wa sallam afin de demander la pluie à Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il se dirigea vers la qibla. Donc il se tourna vers la qibla. Puis il invoqua Allah. Puis il retourna son vêtement. Il inversa son vêtement, puis il pria deux unités de prière dans laquelle il lisait le Coran à haute voix. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 1024. Là. L'imam, lorsqu'il invoque, et d'ailleurs la personne aussi derrière lorsqu'elle invoque, il doit invoquer par des invocations qui seront la cause de la descente de la pluie. Car, il faut que vous sachiez, barakallahu fikoum ikhwa, que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala décide de restreindre la pluie, il contient la pluie, et Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ses noms et ses attributs, il y a al-qabid ou al-basid. Al-basitu ou al-qabid. Yaqabidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Allah restreint ses largesses comme il les étend à qui il veut, tabaraka wa ta'ala. Donc, lorsqu'Allah restreint ses largesses, des fois, ceci, c'est la cause des péchés des êtres humains. Ceci est à cause des péchés des êtres humains. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Et tout ce qui vous atteint comme malheur sur terre, c'est à cause de ce qu'ont proféré vos mains, c'est-à-dire c'est à cause de vos péchés, de vos désobéissances. Mais il pardonne beaucoup, tabaraka wa ta'ala. Si on a compris ceci, si on a compris que les malheurs qui nous touchent, pour la grande majorité, sont la cause de nos péchés et de nos désobéissances, alors il va falloir s'en détacher afin qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, puisse, inshallah, redescendre ses miséricordes et ses bénédictions. Écoutez ce que dit Allah, tabaraka wa ta'ala, dans surat Nour, lorsque Nour est venu appeler son peuple à adorer Allah tabaraka wa ta'ala et à lever le châtiment qui va s'abattre sur eux, il leur dit tabaraka wa ta'ala, il leur dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Puis je leur ai dit, donc ici c'est Nour qui parle à son peuple, puis je leur ai dit, implorez le pardon d'Allah pour vos péchés, car certes, il est grand pardonneur. Il descendra donc pour vous du ciel une eau, hein, à profusion, midrar, c'est-à-dire pluie torrentielle. Comment on appelle ça? Une pluie qui coule continuellement. J'ai oublié le terme en français. Une pluie torrentielle. Non. Puis, par ceci, il vous augmentera en bien et en descendance, en progéniture. Regardez ici, il y a un lien de cause à effet. Nour, alayhi salam, dans sa science, a dit quoi? Il a dit implorer le pardon d'Allah. Et Allah, à ce moment-là, va faire descendre pour vous une eau du ciel. Ceci implique quoi, barakallahu fikoum? Implique que, tant que nous n'avons pas demandé l'imploration d'Allah pour nos péchés, l'eau du ciel restera bloquée. Elle ne descendra pas. Et dès lors qu'on implorera le pardon d'Allah pour nos péchés, à ce moment-là, Allah fera descendre l'eau du ciel. Les savants nous déduisent, barakallahu fikoum, que celui qui souhaite ou qui demande à Allah qu'il fasse descendre la pluie, il se doit d'abord d'être dans la meilleure des situations, c'est-à-dire lavé de tout péché. Donc, il demande le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il profite de cette occasion pour implorer le pardon d'Allah contre toutes les désobéissances, contre tous les péchés. Puis, il se repent vers Allah sincèrement. Puis, il doit aussi, lorsqu'il se rend à cette prière, il se doit d'être lavé de toute injustice qu'il a fait à autrui. S'il a fait du tort à un tel, il a volé un tel, il a frappé un tel injustement, alors il se doit de réparer les torts avant d'aller à cette prière, avant d'aller à la prière de la demande de la pluie, afin qu'il soit plus à même d'être exaucé par Allah, Jalla wa Ala. Écoutez bien ce que dit Allah, Tabarak wa Ta'ala, dans ce verset. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah dit tabaraka wa ta'ala, et si les gens des cités avaient cru et avaient été pieux, alors nous aurions ouvert pour eux les bénédictions du ciel et de la terre. Qu'est-ce que l'on comprend à travers ce verset? Que les portes du ciel, les bénédictions du ciel et notamment la pluie ne seront données que dès lors que les gens seront croyants et feront preuve de piété. Comment une personne pourrait être pieuse si en elle-même elle porte tous les péchés? Il faut d'abord qu'il se lave de ses péchés. Et ensuite qu'il revienne vers Allah humilié en pleine déférence et en pleine humilité, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala le lave de tous ses péchés et qu'il descende et qu'il ouvre pour lui les bénédictions du ciel. Vous avez compris les frères? Ibn Kathir a dit, notamment dans la sourate, dans le verset de Sourate An-Nur, il dit, il est conseillé de lire cette sourate devant la prière ou durant la prière de l'istisqa par rapport à ce verset. Donc la personne qui demande la pluie, il peut réciter cette sourate, la sourate An-Nur, à cause du verset de ce verset-là. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Entre parenthèses, lorsqu'on reprend la syntaxe de ce verset, on voit bien qu'il y a, pour ceux qui ont fait un peu de grammaire, il y a la condition et la réponse à la condition. La condition, elle est exprimée dans le fait اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Si vous implorez le pardon d'Allah, et la réponse à la condition, elle est mise en valeur par le verbe yursilissama, un verbe majuzum. Il descendra alors, il déversera alors pour vous une eau du ciel. Donc si la condition n'est pas remplie, la réponse à cette condition ne sera pas non plus respectée et remplie. Si la personne n'implore pas le pardon d'Allah, alors l'eau ne descendra pas. Et si la personne demande l'imploration du pardon d'Allah pour ses péchés, alors à ce moment-là, Allah descendra une eau bénite du ciel. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Est-ce que vous avez compris ceci? Je vous entends pas, mais bon, je pense que vous avez dit oui. Non. Bon. Inch'Allah. Au moins, faites un mouvement de la tête, comme ça je vous vois, Inch'Allah. Donc, on peut faire cette doa. On a aussi des doigts qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais en citer comme ça deux ou trois. Doigts que le prophète a fait sallallahu alayhi wa sallam pour la demande de la pluie. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah masqina ghaythan mughithan mari'an nafi'an ghayra dharrin ajilan ghayra ajilin. C'est-à-dire, oh Allah, déverse sur nous une pluie bénéfique pleine et bénéfique, non préjudiciable, dans l'immédiat et non pas à terme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans l'immédiat et non pas à terme. De même, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma asqi ibadaka wa baha'imak. Oh Allah, abreuve tes serviteurs et tes bestiaux. Wanshur rahmataka. Et propage ta miséricorde. Étends ta miséricorde. Wa ahli baladaka al-mayyit. Et fais revivre ta contrée ou ta terre qui était morte. Non, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que Allah tabaraka wa ta'ala par l'eau fait revivre la terre après qu'elle ait été morte. De même, le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, Alhamdulillahi rabbil alameen, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, la ilaha illallah, yaf'alu ma yurid, Allahumma anta Allahu la ilaha illa ant. أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. C'est un hadith qui a été rapporté par Al-Hakim ou Abu Dawud et authentifié par Cheikh Al-Albani. Le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, il récitait les trois premiers versets de l'Fatiha. Toutes les louanges appartiennent exclusivement et de plein droit à Allah tabaraka wa ta'ala. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maliki Yawmiddin, le maître absolu, le jour de la rétribution. Point de divinité à part toi, oh Allah. Il fait, point de divinité à part Allah, il fait exactement ce qu'il veut, oh Allah. Point de divinité à part toi. Tu es certes le riche par excellence, alors que nous sommes les indigents et les pauvres envers toi. Oh Allah, fais descendre sur nous une pluie. Et fait qu'elle soit une force pour nous et qu'elle nous atteigne au bon moment et à son heure. Non. Ayant dit ceci, là on a vu une manière de faire l'istisqa, c'est de demander la pluie, c'est que l'imam sort avec les croyants dans le Moussala, dans un terrain dégagé. Puis il s'adresse à eux. Puis ensuite, il se retourne vers la Qibla. Il invoque Allah de la manière que je l'ai décrite, en retournant ses vêtements. Et les gens derrière font de même. Et tout le monde invoque Allah, tabaraka wa ta'ala, de ce qu'on a cité. Ça, c'est une manière de faire. La deuxième manière de faire, c'est durant le Jumu'ah. Lorsque l'imam est sur le minbar, il peut, durant la khutba, implorer Allah pour qu'il fasse descendre la pluie. Et ceci est prouvé par le hadith de Anas ibn Malik, que je vais vous citer, inshallah, tabarak wa ta'ala, dans peu de temps. Il y a la troisième façon, c'est de faire, de demander à Allah, tabarak wa ta'ala, qu'il fasse descendre la pluie après les prières. Non, après les prières obligatoires. La demande de la pluie durant le Jumu'ah. D'après Anas, un homme est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète était debout en train de faire le prêche. Et l'homme a dit cette phrase. Il a dit « Qala ya Rasulullah, halakatil amwal, wa qata'atis subul, fadu'u Allah lana an yughithana aw yusqiyana. » Il a dit « Ya Rasulullah, tous nos biens sont détruits. » À cause de quoi? À cause de la sécheresse. Tous nos biens sont détruits. Les cultures, les bêtes n'arrivent plus à boire, donc elles n'ont plus de force. Tout a été détruit. One kataratis tobul, c'est-à-dire on n'a plus aucun moyen pour pouvoir subvenir à notre subsistance. Invoque Allah pour nous afin qu'il fasse descendre la pluie. Là. Qu'a fait cet homme? A-t-il fait du shirk ici? Puisqu'il a demandé au prophète. A-t-il fait du shirk ici? Ou non? Pour quelle raison? Qui peut répondre? Il a pris comme intercesseur. Le prophète, exactement. L'homme a pris le prophète comme intercesseur alors qu'il est vivant. Ceci est tout à fait possible. C'est comme si on dit à une personne qui est pieuse, fais des doigts pour moi. Invoque pour moi. Ceci est permis. Donc cet homme-là, n'a pas demandé au prophète, n'a pas dit au prophète, fais-nous descendre la pluie, comme le font certains à notre époque. Mais il a dit, demande, invoque Allah pour qu'il fasse descendre la pluie. Il y a une nuance de taille ici. À la Kulihal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ayant entendu cet homme dire ou demander cette requête, dans sur le minbar, le prophète a dit, Allahumma arithna, Allahumma arithna. Ô Seigneur, accorde-nous la pluie, ou fais déverser sur nous la pluie, déverse sur nous la pluie. Anas a dit ceci, par Allah, il n'y avait aucun nuage dans le ciel. Et pourtant, il n'y avait aucune demeure entre nous et la montagne de Sala. Sala, c'est une petite montagne qui se trouve au nord de Médine, avant la montagne de Uhud. Donc, c'est-à-dire qu'ils voyaient le ciel dégagé et rien ne pouvait obstruer leur vision du ciel. Jusqu'à ce qu'ils disent, Anas, jusqu'à ce qu'un nuage apparut, tel un gros bouclier dans le ciel. Dès lors qu'il se plaça au milieu du ciel, il s'étendit et déversa une pluie torrentielle. Par Allah, nous n'avons pas vu le soleil pendant 6 jours. Pendant 6 jours, ils n'ont pas vu le soleil. Imaginez-vous à Médine. On n'est pas à Paris. Hein? Le Jumu'ah suivant, une semaine après, un homme rentra à la mosquée. Alors que le prophète se tenait debout sur le minbar, en train de faire le prêche. Et cet homme-là a dit, Ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul. Oh Allah, tous nos biens ont été détruits et on n'a plus le moyen de subvenir à notre subsistance. Ils ont été détruits comment? Par la pluie. La première fois, il s'est plaint du manque d'eau. Ici, il se plaint du trop d'eau. Donc, ils ont dit, on ne peut plus rien faire, les terres sont immergées. Tellement il a plu que les terrains étaient incultivables, impraticables. Les routes aussi étaient impraticables. Impraticables. Donc, il s'est plaint au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y avait trop d'eau. Non? Alors, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme pour équilibrer les choses, il a invoqué Allah, il a dit, Allahumma, hawalayna la alayna. Il a dit, déverse sur nous la pluie autour de nous et pas sur nous. Allahumma ala al-akam, wa al-jibal, wa al-dirab, wa adwiyat al-butun, wa ala manabit al-shajar. C'est-à-dire, il a dit, oh Allah, autour de nous et pas sur nous. Puis il a dit, ala al-akam, il a dit sur les terres, afin qu'elles puissent semencer, inshallah. Puis il a dit, sur Ad-Dirab. Ad-Dirab, ce sont des montagnes de taille moyenne. Puis il a dit sur le creux des vallées. Et il a dit aussi à la base des arbres et des plantes. C'est-à-dire dans les endroits où l'eau est utile et profitable. Et c'est exactement ce qui s'est passé par la suite. Et, alhamdoulilah, tout le monde était content à la suite de ceci. Anas, lorsque le prophète a fait cette doa, Anas a dit, lorsque le prophète a fait cette doa, les nuages se dissipa et nous marchions sous le soleil. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 1014. Donc, mis à part cette histoire, qu'est-ce qu'on en déduit de ce hadith? On en déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, a demandé la pluie alors qu'il était sur le minbar. Donc, ce qui nous prouve que c'est autorisé. Si demain vous voyez un imam faire ceci, ne vous étonnez pas. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux, le prophète a invoqué sans faire de prière, sans faire de rak'atayn, comme je vous l'ai dit. Car la prière n'est pas forcément obligatoire. Aussi, il n'est pas obligé de retourner son vêtement, car le prophète dans cette situation n'a pas retourné son vêtement, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est juste contenté d'invoquer. Quatrièmement, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas retourné vers la Qibla, mais il est resté face aux croyants. Comme l'imam se tient debout face aux croyants durant le Jumu'ah. Vous avez compris? Ça, c'est la deuxième manière de faire. La troisième manière de faire que je vous ai citée, c'est invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour la pluie dans la mosquée en dehors du Jumu'ah. De manière personnelle. Un groupe de femmes est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle s'était plaint justement de la sécheresse. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma sqina ghaythan mughithan mari'an nafi'an ghayra dharrin 'ajilan ghayra ajilin. C'est la doua que je vous ai citée tout à l'heure. Oh Allah, abreuve-nous d'une pluie pleine, profitable, non préjudiciable, dans l'immédiat et non à terme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de prêche. Il n'a pas prié deux rakaat, il n'était pas sur le minbar, mais il a quand même demandé la pluie. Ce qui nous prouve la légitimité de faire ceci, comme il est tout à fait légitime de faire les deux autres manières. Ces trois manières-là ont été rapportées par, ont été citées dans la sunna, et l'imam Al-Qadi Iyad, justement, a cité ces trois manières de faire, qui sont toutes aussi légiférées les unes que les autres. Dès lors que la pluie descend maintenant, imaginons qu'Allah nous ait exaucé après Salat al-Istisqa, la pluie descend, ou alors d'une manière générale la pluie descend sans qu'on ait fait la prière de l'Istisqa ou une prêche ou des doigts. Quelle est la sunna à adopter lorsque la pluie descend? Il y en a plusieurs. La première, c'est le fait de dire Allahumma sayyiban nafi'a. Oh Allah, fais que cette pluie soit bénéfique. Allahumma sayyiban, as-sayyib, c'est la pluie qui se déverse. Nafi'a, fais qu'elle soit bénéfique et profitable. De même, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani d'après Maqhoul. Prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, utlubu istijabat ad-du'a 'inda iltiqa' al-juyush wa iqamat as-salat wa nuzul al-ghayth. Cherchez la réponse à vos invocations dans trois situations. Lorsque les deux armées se rencontrent, à ce moment-là, lorsqu'on fait du'a, lorsqu'on invoque Allah à ce moment-là, les du'a seront exaucés. Deuxièmement, c'est-à-dire entre les deux Eden, entre l'Eden et l'Iqama, les doras sont exaucés à ce moment-là. Troisièmement, lorsque la pluie descend. Il y a aussi d'autres moments où les doras sont exaucés, mais ça, ce qui nous intéresse ici, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa nuzul al-ghayth. Lorsque la pluie descend, il faut aussi invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala, car c'est un moment où l'invocation est exaucée, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Parmi les sunnas aussi à faire lorsque la pluie descend, c'est d'exposer une partie de son corps à la pluie. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après le hadith de Anas ibn Malik, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous la pluie, a retiré son vêtement afin que l'eau de pluie atteigne son corps. Nous dit, ô envoyé d'Allah, pourquoi as-tu fait ceci? Il répondit, car cette pluie vient d'être créée. Je vais expliquer ce que ça veut dire, Inch'Allah. Car cette pluie vient d'être créée. L'imam al-Nawawi a dit, la pluie est une miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et elle vient d'être créée. C'est-à-dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, vient de la créer afin qu'elle descende et se déverse sur ses créatures. Donc, le prophète a cherché la bénédiction dans cette eau-là. Et effectivement, l'eau qui descend du ciel est une eau qui est béni, mubarak. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً مُبَارَكًا. Et nous avons fait descendre du ciel une eau béni, mubarakan. Donc, lorsque l'eau descend, on peut par exemple lever sa manche comme ça et s'en frotter le corps afin d'en tirer la bénédiction. Ou alors enlever une partie de son vêtement, ou enlever sa chachia, ou sa rukra, et s'en nettoyer le visage et la tête. Et ceci fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Et nous avons fait descendre du ciel une eau pure et purifiante. Donc lorsque le prophète a dit car elle vient d'être créée, effectivement, si on sait que cette eau-là, elle est bénie, et qu'elle est fraîchement créée, alors la bénédiction, cette eau-là est toute pleine, est encore fraîche. Voilà pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est précipité à retirer ses vêtements et à s'enduire le corps ou se mouiller le corps ou se frotter le corps par cette eau. Aussi, parmi les sunnas qui sont légiférés lorsque la pluie descend, si cette pluie est trop forte, de telle sorte qu'elle risque de détériorer les maisons, les habitations ou les terres, alors dans ce cas-là, il est permis de faire la doua qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'homme est revenu une deuxième fois. Allahumma hawalayna wa la alayna. Oh Allah, fais descendre cette eau autour de nous et pas sur nous. Fais descendre cette eau sur les vallées, sur le creux des vallées, sur les montagnes, à la base des plantes et des arbres, et sur les terres. Est-ce que vous avez compris ceci, les frères Barakallahu fikoum? Oui ou non? Alhamdulillah. On revient au livre, Inch'Allah. L'imam Abdurrahman ibn Sa'di dit: ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. Puis, après avoir prié deux rakat, il fait un prêche sans s'asseoir, c'est-à-dire un prêche d'un seul trait. Et il multiplie dans ce prêche l'istighfar, l'imploration du pardon d'Allah. Et il lit les versets coraniques qui se rapportent à ce sujet. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il peut lire par exemple: وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا إِلَى آخِرِ. Ou alors il dit: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. C'est le verset numéro 99 de sourate Al-A'raf. Il lit tous ces versets. Et il exhorte les gens aussi à implorer le pardon d'Allah, à se détacher des péchés, à réparer les injustices et les torts qu'ils ont commis à autrui. Non. Il faut que cette khutba aille dans ce sens-là afin qu'elle soit bénéfique et que l'eau au final puisse descendre de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis l'auteur du livre dit: وَيُلِحْتُ فِي الدُّعَى. Il doit être insistant dans ses doigts. Qu'est-ce que ça veut dire insistant? Il dit, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Allahumma rithna, Allahumma rithna, Allahumma rithna. Il le répète plusieurs fois. Il est déterminé, il est insistant, il le dit avec conviction. Là, c'est la sourate, les doigts de l'istirqa, c'est pas juste Allahumma rithna wa sqina, salam alaikum. Là, ça c'est pas du tout ça. Le prophète restait très longtemps. Il restait longtemps, il gardait ses bras longtemps levés au ciel. Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Donc si le prophète faisait ceci, imaginez alors des gens comme nous qui font des péchés matin et soir. On doit être encore deux fois plus long que le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'Inch'Allah soit exaucé. À la kulli hal, il faut qu'il soit ainsi. Wa la yastabti'ul ijabata. La yastabti'ul ijaba, c'est-à-dire, il ne doit pas dire Allahumma Asqina in shitta ou insha'Allah. Oh Allah, descends sur nous la pluie si tu veux, ou quand tu le voudras, ou demain, ou après-demain. Il ne doit pas dire comme ça. Il doit hâter, insha'Allah. Il demande qu'Allah hâte cette invocation de manière active. Insha'Allah. وَيَنْبَغِي قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَيْهَا فعل الأسباب التي تدفع الشهرة وتنزل الخلق وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة والله أعلم. Il dit Cheikh Abdul Rahman ibn Sa'd رحمه الله تبارك وتعالى. Il convient, avant qu'il sorte pour cette prière, qu'il fasse les causes par lesquelles il repoussera tout mal et par lesquelles descendra la miséricorde d'Allah. Comme l'istighfar, comme le tauba, c'est-à-dire le repentir, comme le fait de s'affranchir de toutes les injustices. Aussi, parmi les causes qui ramènent la miséricorde d'Allah, le fait d'être bienfaisant vers les créatures, quelles qu'elles soient. Que ça soit des musulmans, ou que ce soit des mécréants, que ce soit des êtres humains ou que ce soit des animaux, même des plantes. Et aussi, parmi les autres causes, il se doit d'appliquer, il se doit de faire toutes les causes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis en place, ces mêmes causes qui ramènent la miséricorde et qui repoussent le châtiment et la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Là, je crois. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à cette prière de l'istisqa? Avant qu'on passe à autre chose. Afouane ? Il y a un micro sans fil, c'est le frère, il va nous poser des questions. Oui, Inch'Allah, qu'il pose des questions maintenant, Inch'Allah. Ou c'est clair ? Moi j'en ai une. Oui. S'enfuir de la pluie pour les femmes, ça se comprend ? Alors, la prière de la pluie pour les femmes. Les femmes aussi, lorsque l'imam sort, aussi les femmes sortent avec, les femmes sortent avec les hommes, sans se mélanger bien sûr, mais elles assistent. Elles font les doigts, bien sûr. S'il y a une prière, elles ne prient que si elles ont le droit de prier. Si elles sont en période de menstruation, par exemple, elles ne prient pas. Elles assistent aux invocations, mais elles ne prient pas. Si elles peuvent prier, alors elles prient derrière les hommes. Les deux rakaat avec l'imam. Aussi pareil, elles lèvent les bras, elles lèvent les mains, elles invoquent. Et pour retourner le vêtement aussi, elles le retournent, comme le dit Cheikh Al-Taymin, elles le retournent à la condition que ceci ne vient pas dévoiler leur nudité et qu'elles soient à l'abri du regard des hommes. S'il y a risque que leur nudité soit, que leur nudité soit vue par les hommes, alors dans ce cas-là, elles ne retournent pas leurs vêtements, elles restent comme elles sont. Non? Sinon, la prière des femmes, l'istisqa, est exactement la même que celle des hommes. Et sur le fait de s'enduire de la pluie? Oui. Comment elles font les femmes? Elles le font, mais à l'abri du regard des hommes. D'accord? Si elles ne peuvent pas, si elles sont dans un endroit public, devant tout le monde, alors dans ce cas-là, elles ne le font pas, Inch'Allah. Non? Car éviter un péché est prioritaire ici au fait de faire une sunna. C'est-à-dire éviter de dévoiler sa nudité est prioritaire à l'application d'une sunna, les concernant. Non? Ça va comment? On peut passer à la suite, Inch'Allah? Non. يقول الإمام رحمه الله تبارك وتعالى وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيل رمح ومن صلاة العصر إلى الغروب ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول والله أعلم. Donc ici, l'auteur du livre va parler de toute autre chose, il va parler des moments de la journée où il est interdit de prier les prières surérogatoires qui ne sont pas liées à des causes. Car si vous vous rappelez bien le cours dernier, j'ai dit que les prières surérogatoires ne sont pas toutes au même niveau. Vous vous rappelez de ceci? Nous avions dit, pour résumer, Inch'Allah, comme ça va vous rafraîchir la mémoire. Nous avions dit premièrement que les prières surérogatoires sont sur cinq étapes, de cinq types. Le premier type, c'est celle où les savants divergent à savoir est-ce que c'est une prière obligatoire ou non. Non? Et nous avions dit qu'il n'y a qu'une seule prière qui est dans ce cas-là, c'est la Salat al-Witr. Et nous avions dit aussi que Salat al-Witr est le Qawl al-Sahir, la parole la plus authentique, c'est que c'est une prière qui est surérogatoire, qui n'est pas obligatoire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a délaissé jamais. Ça, c'est un. La deuxième, c'est une prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait de manière constante. Il était assidu. Deux, il a enjoint ses compagnons à la faire Et en plus de ça, il les a enjoints d'une manière presque poussive. Il les a vraiment motivés à la faire. Il n'y a qu'une seule prière qui est dans ce cas-là, c'est les deux rak'at qu'on fait avant la prière du Fajr. D'accord ? Troisième type de nawafil, ce sont toutes les prières que le prophète faisait sallallahu alayhi wa sallam de manière assidue et sur lesquelles il a enjoint ses compagnons de les faire. On pourrait citer par exemple les prières qui sont liées aux prières obligatoires, rawatib. Rawatib, il y a, sans compter les deux du Fajr, il y a deux rak'at avant Dhuhr, certains ont dit quatre. Il y a deux rak'at après le Maghreb, deux rak'at après l'Isha. D'accord ? Taille. Ensuite, un degré en dessous, il y a les prières que le prophète a enjoint de faire, mais que lui ne faisait pas tout le temps. Il lui est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, à certains moments de les délaisser. On peut citer par exemple Salat al-Duha, la prière du milieu de la matinée. Le prophète a enjoint de la faire, mais il lui est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas la faire. Et enfin, en dernier, on a le reste des autres prières. Al-Mutlaqa, Nawafil, Al-Mutlaqa. Donc ici, on parle, lorsque l'auteur du livre parle ici, de Al-Nawafil, Al-Mutlaqa, ce sont toutes ces Nawafil qui ne sont pas liées à des causes. Donc, n'est pas concerné par ceci les deux unités de prière que l'on fait lorsqu'on rentre à la mosquée. Ce n'est pas concerné par ces interdictions. Pareil, salat ou istikhara, les prières de consultation. Pareil, rawatib, celles qui sont liées aux prières. Pareil, les deux rak'at que l'on fait après avoir fait les ablutions. C'est une sunna. Mais comme elle est liée aux ablutions, alors elle n'est pas concernée par ces interdictions. Qu'est-ce qui est concerné par ces interdictions? Toute prière qui est faite de manière volontaire par la personne qui n'est pas liée à une cause. D'accord? Pourquoi ici c'est interdit? Tout simplement parce que la personne, elle a toute la journée pour les faire. Donc il y a une largesse, il a une certaine flexibilité, une marge de manœuvre. Si le prophète a interdit le fait de prier durant un certain moment, alors la personne, elle a toute la journée pour le faire, voire toute la nuit pour la faire. Hein? Donc, il doit s'en tenir à ses interdictions. La première interdiction, le premier moment qui est interdit, comme le dit l'auteur du livre, c'est de la prière du Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève de la hauteur d'une lance. Qu'est-ce que signifie ceci? C'est-à-dire que dès lors que la personne le matin prie la prière obligatoire du Fajr des deux rak'at, dès qu'il a prié cette prière, alors il lui est interdit de prier une prière surérogatoire de son bon vouloir, sans une cause précise, jusqu'à ce que le soleil se soit levé de l'horizon de la hauteur d'une lance. De la hauteur d'une lance, c'est à peu près 3 mètres à vue d'œil, en regardant l'horizon. Il est plus simple de le quantifier par le temps. C'est à peu près entre 15 et 20 minutes au moment où le soleil a commencé à pointer à l'horizon. Donc vous voyez que le disque solaire, le haut du disque solaire, dès qu'il commence à pointer à l'horizon, vous attendez 15 minutes encore avant de pouvoir prier. Vous avez compris? C'est ça ce qu'on appelle Qaida Rumhi. Ça c'est tiré d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vous citais tout à l'heure, Inch'Allah. Donc ce laps de temps entre la prière du Fajr et le moment où le soleil est haut dans le ciel d'une hauteur d'une lance, qui correspond à peu près à 3 mètres, alors dans ce cas-là, il est interdit de prier. Là, sans raison. Ça c'est le premier moment. Le deuxième moment où il est interdit de prier, min salat al-asri ila al-ghurub, de la prière du Asr jusqu'au coucher du soleil. Quand je dis la prière du Asr, c'est pas le temps du Asr, c'est la prière du Asr. Imaginons que la prière du Asr est à 15 heures. D'accord? Et que le Maghrib est à 17 heures. Donc il y a 2 heures. Si je prie le Asr à 16 heures, alors de 16 heures à 17 heures, il m'est interdit de prier. Vous avez compris? Et si je prie le Asr au début de l'heure, c'est-à-dire à 15 heures, alors il est interdit de prier entre le moment où j'ai fini le Asr et 17 heures. D'accord? Donc, le début de ce temps n'est pas lié à l'heure du Asr, mais il est lié au moment où tu as fini ta prière du Asr. Jusqu'au coucher du soleil. Qu'est-ce qu'on appelle le coucher du soleil? C'est au moment où le soleil commence à disparaître à l'horizon. C'est le moment où le soleil commence à disparaître à l'horizon. Vous avez la ligne d'horizon comme ça, et vous avez le soleil qui est comme ça. Donc le soleil est haut, il commence à descendre, il descend. À ce moment-là, clac, il commence à disparaître. Là, c'est ce qu'on appelle le ghuroub. Et plus on avance dans le temps, plus il disparaît à l'horizon. Donc, quand on est ici, dès que le bout du bas du soleil commence à disparaître, on rentre dans le ghuroub. C'est ce qu'on appelle le ghuroub. Hein? Et on ne doit pas prier jusqu'à ce que le soleil... Je vais faire comme ça, jusqu'à ce que le soleil ait complètement disparu de l'horizon. À ce moment-là, on peut prier. D'ailleurs, à ce moment-là, rentre la prière du Maghrib. D'accord? Pourquoi c'est important de dire ça, Barakallahu fikoum? Même quand on rentre dans la mosquée pour la salle de Maghrib, si on arrive un peu avant l'Ezan, on ne prie pas, Barakallahu fikoum. On ne prie pas. Lorsqu'on sait que le soleil, il a commencé à disparaître. C'est un moment où il est strictement interdit de prier. D'accord? Même les deux rakaat que l'on fait pour les salutations de la mosquée, à ce moment-là, lorsque le soleil a commencé à disparaître, on ne prie pas les deux rakaat. On reste debout, on attend. C'est une histoire de quelques minutes. Car le soleil, lorsqu'il disparaît comme ça, en fait, il y a à peu près 4-5 minutes jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Là, mes croix, ça c'est le deuxième temps. Le troisième temps, min qiyam ash-shamsi fi kabdi as-sama ila an tazul. Lorsque le soleil est sur le point, au point le plus haut dans le ciel. Qu'est-ce qu'on appelle kabdi as-sama? Donc le soleil, la course du soleil, à l'œil nu, hein, je parle, à vue d'œil. Le soleil passe comme ça. Il monte progressivement, bien matiné, jusqu'à ce qu'il arrive comme ça. On dira qu'il est au zénith. Ensuite, il commence sa descente pour disparaître complètement après le Maghrib. Lorsqu'il arrive au point le plus haut, qu'on appelle le point culminant du soleil, à ce moment-là, c'est lorsque l'ombre des choses est la plus courte dans la journée. Lorsque l'ombre des choses est la plus courte. À ce moment-là, il est interdit de prier. Ni une prière liée à une cause, ni une prière qui n'est pas liée à une cause. D'accord? Et l'heure du Dhuhr ne commence seulement que lorsque le soleil commence à décliner. C'est-à-dire qu'il a atteint son point culminant, il commence à descendre. À ce moment-là, rentre l'heure du Dhuhr. Je me rappelle avoir expliqué tout ceci en détail lorsque nous avions expliqué les conditions de la prière et notamment l'entrée de l'heure. Essayez de revenir à ce cours-là, Inch'Allah, tabarakata. Donc, pour synthétiser tout ceci, Inch'Allah, pour que vous compreniez bien, il y a 5 moments dans la journée où il est interdit de prier. L'auteur du livre, on a cité 3. Mais il y en a 5, en fait. Enfin, il y en a... Il y a 5 moments où il est interdit de prier. Ça, il faut que vous le notez, Charles, c'est important. Il y en a 2 qui sont interdits pour le temps, hein, pour l'acte en lui-même, à Afwan, les Ajlil Ferli. D'ailleurs, je vais venir, Inch'Allah. Et 3 qui sont interdits à cause du temps. 2 qui sont interdits pour l'acte et 3 qui sont interdits à cause du temps. Les 2 qui sont interdits pour l'acte, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est de la prière du Fajr jusqu'à le lever du soleil. Dès lors qu'on a prié le Fajr jusqu'au lever du soleil. Pourquoi elle est interdite par rapport à l'acte? Car elle est interdite au moment, à partir du moment où tu as déjà prié le Fajr. Tant que tu ne l'as pas prié, elle n'est pas interdite. Imaginons que le Fajr est à 6 heures du matin et que le lever du soleil est à 8 heures. Vous suivez? 6 heures du matin, Fajr. Lever du soleil, 8 heures. Taïm. Si je prie le Fajr au début de l'heure à 6 heures du matin, donc je n'aurai pas le droit de prier pendant les 2 heures qui suivent. Pourquoi? Parce que j'ai déjà prié mon Fajr. Par contre, si je prie le Fajr à 7 heures, alors dans ce cas-là, l'interdiction est liée seulement, ou l'interdiction sera d'une heure seulement, de 7 heures à 8 heures. Donc on voit bien que l'interdiction est liée à l'acte, est liée à la prière du Fajr. Pas autant. Pareil pour le Asr ou le Maghreb, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. L'interdiction commence à partir du moment où j'ai pris le Maghreb, j'ai pris le Asr à fois, jusqu'au Maghreb. Tant que je n'ai pas pris le Asr, il ne m'est pas interdit de prier. Vous avez compris? Maintenant, les 3 temps où il est interdit de prier à cause du temps lui-même, indépendamment de l'acte, indépendamment de la prière. Premièrement, c'est lorsque le soleil commence à apparaître à l'horizon jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur d'une lance. Car à ce moment-là, Shaitan, ou à ce moment-là, le soleil se lève entre les cordes de Shaitan. Ça veut dire que la plupart des gens, des adorateurs du soleil, se prosternent à ce moment-là. Donc le prophète nous a interdit de nous assimiler et de nous apparenter aux mushrikin dans leur manière de faire, dans leur manière de parler et surtout dans leur manière d'adorer. Donc le prophète a strictement interdit de prier à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où le soleil commence à apparaître jusqu'à ce qu'il a atteint la hauteur d'une lance, c'est-à-dire il faut compter 20 minutes à peu près. Dès lors que ces 20 minutes sont passées, alhamdulillah, on peut prier, on peut faire doha par exemple, prendre notre doha. Ou on peut prier Salat al-Eid. Ou alors Salat al-Istisqa, comme le prophète al-Sat-Wassalam, après Salat al-Istisqa, lorsque le soleil avait atteint justement cette hauteur d'une lance. Vous avez compris? Donc ce laps de temps-là, entre le moment où le soleil commence à pointer, le bout de soleil, comme on dit, à l'horizon, jusqu'à ce qu'il a monté un petit peu d'une hauteur de 3 mètres à vue d'œil, ou qui correspond dans le temps à 20, à 15, 20 minutes, il est strictement interdit de prier. Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, c'est celui que j'ai cité tout à l'heure, lorsque le soleil est au zénith. C'est-à-dire au moment où l'ombre des choses est la plus petite dans la journée. Il est interdit de prier à ce moment-là. Donc, quelqu'un qui vient à la mosquée juste avant le event de Dhuhr. Le Dhuhr, il est à 13h, par exemple. Quelqu'un qui vient à midi 55, 56, 57, il ne prie pas. Pas de tahiyat al-masjid, walou, il ne prie rien du tout. Il reste debout. Pour quelle raison? Car il est dans le moment où le soleil est au point le plus haut. Et il est interdit de prier aussi, car les mouchriquins aussi priaient à ce moment-là. Les adorateurs du soleil. Et enfin, le troisième moment où il est interdit de prier strictement, c'est lorsque le soleil commence à disparaître. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous avez la ligne d'horizon comme ça. Le soleil est comme ça, représenté par ce cercle normalement. Il descend, il descend, il descend, il descend. Dès qu'il commence, clac, à être caché, en partie, on n'a plus le droit de prier. Jusqu'à ce qu'il passe en dessous de l'horizon complètement. Vous avez compris? Donc, 5 moments où il est interdit de prier. 2 qui sont liés à la prière. 2 et 3 qui sont liés au temps lui-même. À la position du soleil en lui-même. Est-ce que vous avez compris ceci? Oui ou non? Taïm. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la salata ba'da salati al-asri hatta taghrib ash-shams wa la salata ba'da salati al-fajr hatta tatlu ash-shams. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, pas de prière après la prière de l'asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Et pas de prière après la prière du fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Avec les détails que je vous ai cités. De même, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. Il y a trois moments dans la journée où le prophète nous a interdit de prier et d'enterrer nos morts. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. Le premier moment, c'est les trois mots que je vous ai cités qui sont liés au temps lui-même. C'est lorsque le soleil commence à pointer à l'horizon jusqu'à ce qu'il se lève. Donc aucune prière et on n'enterre pas les morts à ce moment-là non plus. On attend. Deux. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. Au moment où le soleil est au point le plus haut jusqu'à ce que les ombres commencent à flancher. C'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil commence à baisser. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. Et lorsque le soleil commence à disparaître à l'horizon jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Là, ce sont les trois temps que je vous ai cités tout à l'heure. Wallahu a'lam. Wa sallallahu alayhi wa sallam. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى ونسأله جل وعلا أن يزيدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours d'aujourd'hui? Assalamu alaikum. Wa rahmatullah. C'est-à-dire que pour Salat al-Doha, on attend 15 minutes après Shuruq et on peut la prier. À Doha, oui. À peu près. Pour être sûr de ne pas être dans le temps, par précaution, 20 minutes. Voilà, au minimum, Inch'Allah. Comme le dit Charles Al-Thaymin. Ou Abdelchah Abdel-Bassam aussi dit 20 minutes. 20 minutes, tu es sûr que Abdel Al-Soleil est levé, Inch'Allah. Oui. Faut que tu prennes le micro, là. Concernant l'avant-mort, c'est combien de temps à peu près avant? À peu près 4-5 minutes. Non. Est-ce qu'on comprend que Waqt Salat Doha, c'est jusqu'à là qu'on peut la prier? Exactement. C'est jusqu'à là, oui. Il ne faut pas la prier lorsque le soleil est au point le plus haut. Donc on a toute la matinée pour le faire. Non. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de la prier assez tôt. C'est-à-dire au début de l'heure du Doha. D'ailleurs, rappelez-vous aussi, lorsqu'on avait parlé de Salat al-Witr, pour celui qui l'avait raté, il l'a pris à quel moment? Il l'a pris le matin. Non? Après Salat al-Doha, par exemple. S'il avait l'habitude de faire une rak'at la nuit, il en fait deux. Donc, il le fait dans ce laps de temps qui est permis. Ni avant, ni après. C'est-à-dire au moment où le soleil commence à disparaître, jusqu'à sa disparition complète? Exact. À peu près 4-5 minutes, ça va assez vite. Et je l'ai déjà vu moi à l'œil nu, donc j'étais au bord de la mer, donc on l'a même filmé, Inch'Allah, je vous ramènerai Inch'Allah la vidéo, Inch'Allah. Plus il descend, plus la descente elle est rapide. C'est-à-dire que entre le moment, donc vous avez la ligne d'horizon comme ça, entre le moment où il commence à être comme ça et le moment où il est comme ça, il y a à peu près 3-4 minutes, pas plus. On le voit même à l'œil nu, on le voit bouger à l'œil nu. Non. Donc c'est assez rapide, Inch'Allah. Donc si on est dans ce moment-là, Inch'Allah, on ne fait aucune prière, on ne fait rien du tout. Voilà, on fait quoi. Alaykoum salam. J'aimerais savoir dans les 5 temps interdits, même si la prière il y a une course, dans les 5 temps on prie pas. Alors, dans les 3 temps qui sont liés, dans les 3 interdictions qui sont liées à un temps, on ne prie rien du tout, même les prières liées à des causes. Et dans les 2 et dans les 2 temps qui sont interdits par rapport à la prière d'avant, dans ce cas-là, on peut prier les prières liées à des causes. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. On a dit que, par exemple, le premier temps qui est interdit, mais lié à la prière, c'est du Fajr jusqu'au lever du soleil. Si entre le Fajr et le lever du soleil, je rentre dans la mosquée, alors je fais 2 rak'at. Pour quelle raison? Car c'est lié à une cause. Et l'interdiction ici n'est pas liée à un temps. N'est pas liée à une situation, à une coïncidence liée à la création, liée à la position du soleil. C'est lié au fait que tu as prié déjà le Fajr. C'est tout. Donc ce qui est interdit ici, c'est Salat al-Mutlaqa. C'est Nawafil al-Mutlaqa. Mais toutes celles qui sont liées à des causes, tu peux les faire. Pareil entre le Asr et le Maghreb. Entre le Asr et le Maghreb, si j'ai besoin de faire l'istikhara, je peux le faire. Si je rentre dans la mosquée et que je prie 2 rak'at, je peux le faire, Inch'Allah. Al-Qawli Sahih. Par contre, les 3 temps que j'ai cités qui sont des 3 interdictions qui sont liées à la position du soleil, celle-là, tu fais rien du tout. Ni les prières liées avec des causes, ni les prières obligatoires, ni les prières surérogatoires. Non? J'ai une autre question aussi. Par rapport, il y a un temps interdit avant le Maghrib pour prier la race. J'aimerais savoir c'est combien de temps à peu près. Alors, oui, donc ça j'en avais parlé. C'est ce qu'on appelle el waqt ad-daruri, waqt ad-daruri, comme on peut dire ça, le temps par nécessité. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de prier l'asr avant que le soleil ne jaunisse. Quand on dit que le soleil jaunisse, c'est-à-dire qu'il commence à virer orange. Il prend une couleur un peu plus foncée et il commence à virer orange, puis à virer après au rouge. Dès que le soleil commence à virer orange, on rentre dans un temps qui, si la personne n'a pas pris la asr sans cause, il commettra un péché s'il prit la asr. Autrement dit, ce temps-là, il diffère suivant la position géographique de la personne. Par exemple, nous sommes en hiver en France. Vous savez qu'en hiver en France, du fait que le soleil est éloigné, le soleil est plus proche de l'hémisphère sud que de l'hémisphère nord en hiver. Donc, automatiquement, les horaires, elles sont beaucoup plus restreintes, beaucoup plus rapprochées les unes des autres. Donc, on a entre le Asr et le Maghreb, un temps qui est relativement court. Je ne sais pas, il est de combien exactement, près de 2h30, je crois, à peu près, bon. Dans ces 2h30-là, vous avez 1 heure où vous pouvez prier le Asr, et les 1h30, à peu près, où là, vous rentrez dans le Waqt ad-Daruri. Donc, si la personne, elle retarde sa prière de l'Asr sans excuse dans ce Waqt ad-Daruri, de telle sorte que le soleil commence déjà à jaunir, alors dans ce cas-là, sa prière restera valide, mais il aura commis un péché. Hein? Il faut s'empresser de faire l'Asr rapidement. Barakallahu fikoum. C'est ça qu'on appelle Waqt ad-Daruri. Soit on le détermine par la couleur du soleil, soit on le détermine par la longueur des ombres sur le sol. En général, l'ombre fait 2 fois la valeur de l'objet. Lorsque l'ombre fait 2 fois la valeur de l'objet, alors ça veut dire que le soleil est relativement bas et il est proche du rouleau. Dans ce cas-là, on rentre dans le Waqt ad-Daruri. D'accord? Donc, Waqt ad-Daruri, il est seulement légiféré pour une personne qui n'a pas pu prier l'Asr au début de l'heure. Non, celui-là, il le prie dès qu'il le peut, ça n'a aucun problème pour lui. Mais celui qui le retarde, cette prière d'Asr, sans excuse valable, non, jusqu'à ce qu'il rentre dans ce Waqt ad-Daruri, dans cet espace de temps qui ne doit être qu'une nécessité, alors dans ce cas-là, il commet un péché. Voilà. C'est 1h30 avant à peu près avant le Maghreb. À peu près. Mais en été, il est beaucoup plus long, puisque les laps de temps entre les prières sont beaucoup plus longs. Donc en général, il ne faut pas le calculer en heure, barakallahu fik, parce que ça va changer d'un moment de l'année à l'autre. Il vaut mieux regarder par rapport à la couleur du soleil. Non. C'est un bon critère de jugement. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la manière de faire afin d'avoir un critère qui soit crédible toute l'année. Non. Le soleil, dès lors qu'il commence à jaunir et dès lors que sa couleur commence à foncer, alors c'est que le temps qui est permis pour prier la prière de l'Asr va se finir. Non. Il n'y a pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Et on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine pour parler de Salat al-Jama'a ou l'Imam. Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Taïm. Wa barakallahu fikoum. Wa jazakumullah khair al-jaza. Wa rasulullah tabarak wa ta'ala. An yuriyana al-haqqa haqqa wa an yarzuqna al-tiba'a. Wa an yuriyana al-batila batilan wa an yarzuqna al-jtinaba. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.